chez nous, c'est nous. La mort, c'est nous. Vaya à bord, chez nous. Nous on te tord, c'est tout. Les quartiers nord, c'est nous. La mort, c'est nous. Vaya à bord, chez nous. Nous on te tord, c'est tout. Je baisse toute ton équipe, les quartiers nord c'est nous et vite. WW Vanny qui était mort, point comme Simon la fusée, moi la pépite. RS 300 plaque mal garé, le boule qui tape côté passager. Je vais faire dans les couilles tout le trajet, Nick c'est mort, on vise la pépite. On t'allume tel infarct Zénon, tu m'as vu cagoulé, passer, moi j'ai pas de prénom. Du mal à voir les poteaux, dis-moi qui sont les bons. Y'a le bonbon, y'a des bandeurs, y'a le concombre, y'a le bon. J'ai ça à la pointe de la vis, Aja Gambino sa piste. Poudre, on va se mettre une valise, je regarde le contrat. Quartier nord, c'est nous. La mort, c'est nous. Vaya à bord, chez nous. Nous on te tord, c'est tout. Les quartiers nord, c'est nous. La mort, c'est nous. Vaya à bord, chez nous. Nous on te tord, c'est tout. Les murs sont arrasés, c'est on le sait. Là le boule qui penche, elle est déclassée. Ouais. Tu peux monter, redescendre. Traceur, pot d'échappement, retracé. Je suis monté seul, je connais ma ville, je connais la rue, je suis à l'affût. Ouais. On sait très bien qu'à trop de fils de pute. Oh ma chérie, vaille, vaille, vaille, vaille. On est magnifique, road shopping, pair de Nike. On est magnifique, bye bye bye bye. On est magnifique, road shopping, pair de Nike. On est magnifique. Quartier nord, c'est nous. La mort, c'est nous. Vaya à bord, chez nous. Nous on te tord, c'est tout. Et quartier nord, c'est nous. La mort, c'est nous. Vaya à bord, chez nous. Nous on te tord, c'est tout. Sweet City, ouais. Ben Varial Coffee, ouais. Sa vie n'est caliste, ouais. Hélicoptère qui pisse, ouais. Venez voir Consola, ah. Venez voir la moula, ah. Cabucet la pucherine, ouais. Total Indé l'usine, ouais. Fond vers les oliviers, ah. Ça fait des TPA, ah. La gavale.